Je vais me permettre de faire office de présidente et d'abord remercier Michel Dagenais d'avoir accepté d'intervenir au bout. Je vais la présenter en quelques mots. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne la connaissent pas encore, mais quand même. Donc Michel Dagenais est professeur titulaire à l'Université de Montréal, spécialiste d'histoire urbaine, plus précisément à l'origine assez intéressé aux services municipaux, à l'organisation, à la constitution des services municipaux d'abord, ville de Montréal, et puis bien sûr d'autres aspects d'histoire urbaine que je ne vous citerai pas, avant de s'engager un petit peu côte à côte avec moi et d'autres, parce que Laurence y était déjà, parce qu'on a plutôt rejoint le train dans l'histoire de l'environnement urbain. Pour déboucher ce qui fait de toi maintenant une des spécialistes du Canada francophone, pour déboucher sur la publication de ce livre comme question de Canada francophone, c'est raté. Parce qu'on n'est jamais entièrement l'un ou entièrement l'autre, il faut être bilingue. Absolument. Là, surtout dans notre contexte. Donc, cet ouvrage que tu as dirigé avec Stéphane Castonguet et plus récemment encore, c'est plus récent, hein, ou c'est juste avant ben, les deux sont sortis quasi en même temps. C'est ça, c'est pour ça que tu as d'autres. Un livre qui s'intitule « Montréal et l'eau » que Michel a présenté il y a quelques jours dans un autre séminaire. Voilà, merci d'avoir apporté une synthèse particulièrement dense. C'est un livre peu épais, mais riche en matériaux sur le rôle de l'eau dans l'histoire de Montréal, considéré sous différents aspects, aussi bien les rivières que l'adduction d'eau. Alors, je suis désolée, mais je vais redonner mon titre. Mon titre qui est inspiré de l'ouvrage dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, le titre de la présentation, c'est « Montréal et ses environnements », au croisement de l'histoire urbaine et de l'histoire de l'environnement. Donc, « Montréal et ses environnements ». D'abord, merci Geneviève Massard-Liveau, d'abord et avant tout, qui m'a invitée à présenter mes recherches dans le cadre de son séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales et dans le cadre du RUCH également. Et puis, ben, merci au RUCH aussi d'ouvrir sa programmation à la présentation de mes travaux. Et donc, ça me fait bien plaisir d'être parmi vous. Alors, comme le titre de mon exposé l'indique, en fait, ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est de discuter des environnements de Montréal et d'aborder, dans le fond, l'histoire de l'environnement urbain en voyant comment se décline cette notion d'environnement dans le contexte montréalais, dans le milieu montréalais. Donc, il s'agit de réfléchir aussi à la manière ou aux manières d'aborder l'histoire de l'environnement urbain en partant d'une perspective plutôt plurielle, je dirais. Alors, cet exposé est construit en référence à un ouvrage récemment paru et dont vous voyez la page couverture sur la diapositive. Un ouvrage qui est, dans ce cas-ci, non pas une monographie, mais bien un collectif qui a été dirigé par Stéphane Castonguet, qui est historienne de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et par moi-même, et dont le titre est « Metropolitan Natures, Environmental Histories of Montreal » plutôt que « An Environmental History of Montreal ». Et donc l'idée, c'était, dans le fond, de réunir des chercheurs qui travaillent sur Montréal, soit dans le domaine, c'est-à-dire qui travaillent sur Montréal dans le domaine de l'histoire urbaine, ou qui s'intéressent à l'histoire de l'environnement et dont les travaux ont pu porter sur Montréal. Et c'était de croiser, dans le fond, ces chercheurs en leur demandant de creuser davantage l'aspect qui n'était pas nécessairement abordé dans leurs travaux. Alors donc, il y en a qui ont travaillé sur l'espace de Montréal vraiment dans une perspective d'histoire urbaine. Et là, on les a encouragés, forcés parfois, à considérer leur objet en tenant compte des dimensions plus environnementales et en particulier en les invitant à considérer Montréal comme un milieu écologique en lui-même afin de mettre au jour comment les éléments naturels ont contribué à l'édification de l'organisation urbaine et sociale de la ville, comprise dans son sens large. Alors donc, au lieu de partir dans le fond de l'idée selon laquelle l'urbanisation s'est produite en faisant reculer ou en écrasant la nature, il s'agissait plus de considérer l'ensemble des facteurs qui se sont combinés historiquement pour donner forme à l'environnement urbain et à l'environnement montréalais. Donc, c'était ainsi qu'on a incité les auteurs à contribuer à cet ouvrage. Alors, j'ai dit qu'il s'agissait donc d'environnement au pluriel, ce qui fait en sorte que le livre considère, dans le fond, l'environnement dans sa pluralité, hein, dans la multiplicité de ses sens. Je crois que ici, c'est pas le lieu de rappeler, mais je ferai quand même rapidement que le mot environnement n'est évidemment pas statique et n'a pas un sens unique, hein, il n'a pas un sens particulier seulement. Hein. Le sens de ce mot environnement se construit, vous serez d'accord, en fonction des contextes sociaux, historiques particuliers, bien que dans le langage courant, souvent, on donne à penser que l'environnement, c'est quelque chose d'unique, de global, et d'immuable jusqu'à un certain point. Hein. On parle d'environnement comme s'il s'agissait d'une chose dans son unicité. Alors, l'idée donc derrière le livre, c'est de parvenir à une meilleure problématisation du terme et aussi à l'élargissement de la notion d'environnement. Donc, ce qui fait en sorte que le livre, dans le fond, je vais m'arrêter ensuite de référer à son organisation générale, simplement pour dire que, compte tenu de cette idée d'historiciser et de problématiser le terme, et d'élargir aussi son sens pour tenir compte des divers environnements qui constituent Montréal, on a travaillé autant sur l'intérieur de la ville que sur l'extérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, je vais faire cette livre. Vous allez voir, il y a trois grandes sections dans le livre qui concernent premièrement les représentations et l'articulation nature-société. Deuxième thème qui est celui des infrastructures urbaines considérées comme des systèmes sociaux techniques. Et troisième section qui porte sur l'hinterland de Montréal et les relations ville-campagne, pour dire ainsi. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est les relations ville-campagne. Alors donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de réfléchir aux environnements de manière plurielle et je vais m'intéresser davantage à l'extérieur de la ville plutôt que l'intérieur, même si je sais bien qu'on ne doit pas diviser les choses ainsi et donc risquer de tomber dans cette schématisation que je critique ou que je viens de critiquer. Mais c'est vraiment l'idée de voir comment la ville se construit en travaillant l'espace à l'intérieur de cette frontière, mais aussi à l'extérieur de cette frontière formelle ou administrative, en s'intéressant à l'urbanisation du territoire de la ville, mais aussi de son hinterland. Alors, la question qu'on peut se poser ou que je me suis posée, c'est dans le fond, comment l'urbanisation de Montréal a-t-elle contribué à la production de nouveaux environnements? En montrant, comme je l'ai dit, que l'espace de la ville va se construire au-delà du territoire urbain proprement dit. Donc, il s'agit dans l'exposé d'insister sur la production des environnements montréalais en lien avec le processus d'urbanisation de la ville, mais aussi de l'île, de la région, voire de l'archipel. Parce qu'on réfléchissait, quand on bâtissait ce livre qui a donné lieu précédemment à un séminaire, comment aborder l'histoire de Montréal sous le plan, sous l'angle de l'environnement? Montréal, comme toute autre ville, bien entendu, est constituée de différents sous-ensembles qui s'articulent les uns les autres. On peut dire la même chose de Paris et d'autres villes. Mais dans le cas montréalais, il nous semblait qu'il y avait cet aspect qui est inscrit dans la réalité quotidienne de la ville autant que dans son histoire. Et donc, il s'agissait de réfléchir à différentes échelles. D'où l'idée que ce projet de livre s'est fait en insistant beaucoup sur la spatialisation des phénomènes étudiés, spatialisation et sur la notion d'échelle de la ville à la région. Alors, Pour illustrer mon propos, et je commencerai la diapositive dans quelques instants, donc pour illustrer mon propos, j'ai donc choisi de développer deux exemples pour illustrer ce propos de la production d'environnement montréalais au pluriel. J'ai choisi deux exemples. Un premier, afin de montrer comment les acteurs utilisent leur environnement pour tenter d'imposer un ordre social donné et pour en gérer des comportements. Alors, il s'agit dans ce premier exemple d'aborder la question d'une communauté sur la rive sud de Montréal, qui est une communauté amérindienne de Mohawk. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas mis. Je vais juste mettre quelques petits mots pour le tableau. Je vais faire ma. Pour vous aider, parce que moi-même, j'ai du mal avec l'orthographe des mots. Alors, donc, dans le premier cas, il s'agit d'une communauté amérindienne. D'origine iroquoise, les Mohawks, donc qui vont se voir urbanisés par un travail fait sur leur territoire. J'y reviendrai dans quelques instants. Mohawks qui sont établis à Kanawaki. Alors là aussi, je vais l'écrire pour le tableau pour être sûr qu'on s'y retrouve. Alors, il y a des crayons un peu très foncés, alors j'espère que vous allez quand même voir ici. Alors, ce chapitre du livre, en fait, c'est pas moi qui en est l'auteur, c'est un jeune chercheur spécialiste en histoire autochtone, Daniel Lou, et vous allez voir de toute façon, en regardant l'ouvrage, son chapitre. Alors, donc, ce premier exemple, d'une part, pour, encore une fois, voir comment l'environnement est travaillé pour imposer un certain ordre social, et j'y reviendrai, qui est lié à la question de la gestion de la propriété et sa définition, propriété du sol. Le deuxième exemple, celui-là, porte sur l'utilisation d'une rivière, qui est la rivière des Prairies, et sa transformation en infrastructure, infrastructure qui va participer par le fait même à l'avancée de l'urbanisation de Montréal. Alors, ce second exemple, finalement, j'ai décidé de le prendre dans mon livre « Montréal et l'eau » parce que je trouvais que c'est un exemple qui explique bien justement cet aspect de spatialisation et d'arrimage, en fait, de la ville, d'annexion, si on veut, de partie environnante de la ville dans l'espace urbain. Annexion qui se fait, bien entendu, souvent au profit de la ville-centre, mais dont les relations ne sont pas nécessairement à sens unique. Alors, j'ai trouvé que ce deuxième exemple permettait de bien, illustrer mon propos. Et pour ceux qui étaient là dans mon exposé de la semaine dernière, dans le cadre du séminaire de Geneviève, c'est un exemple que je n'ai pas du tout développé, donc vous n'aurez pas cet effet de répétition. Alors donc, les deux cas vont nous permettre d'illustrer comment les éléments naturels, mais plus encore les éléments naturels transformés, contribuent à la gouvernance urbaine en connectant, dans le fond, plus étroitement des territoires périurbains à la ville. Mais d'abord, donc, quelques mots pour situer le terrain qui est Montréal, la ville, comme l'île, la métropole et l'archipel. Alors, cette carte que j'ai ici, mes cartes ne sont pas toujours extraordinaires, mais bon, un jour, j'aurai le moyen d'en faire ad hoc. Mais quoi qu'il en soit, cette carte, en plus qui a de l'eau verte, permet de situer justement Montréal au centre de ce qu'on appelle l'archipel d'Hochelaga. Alors, ce qui caractérise Montréal, c'est donc la ville et l'île, c'est de se retrouver à la confluence de deux grands cours d'eau. La rivière Outaouais, qui est ici, c'est une carte en anglais, en anglais on dit la rivière Ottawa, mais c'est la rivière Outaouais, et le fleuve Saint-Laurent. Alors, le système hydrographique est organisé de telle sorte que, en gros, la rivière Outaouais se jette ici dans l'archipel en se séparant en quatre bras. Les deux premiers bras contournent ici l'île Perrot, se jettent dans le lac Saint-Louis pour entreprendre, pour continuer, si on veut, la descente de l'eau, passent dans le passage étroit ici des rapides de la chaîne, il y a nos cartes qui vont vous le montrer, et pour se jeter, vous continuez finalement leur route vers le fleuve et l'Atlantique. Alors voilà pour les deux premiers bras. Les deux seconds contournent ici l'île de Laval, qu'on appelle aussi l'île Jésus à un moment donné, qui donne naissance à la rivière des Prairies, sur laquelle je vais développer aujourd'hui. Et ici, c'est la rivière des Minimes qui, toutes les deux, se jettent dans le fleuve Saint-Laurent à la pointe nord-est de l'île de Montréal pour poursuivre. Et donc, là, on voit. Alors là, c'est la rivière des Prairies. J'ai déjà eu une discussion à savoir est-ce que c'est une rivière, dans le fond, qui a une autonomie en elle-même ou n'est-ce pas simplement un prolongement. Quoi qu'il en soit, on la conçoit à l'époque, en tout cas, comme une rivière. Donc, c'est un peu ça, l'archipel de Montréal qui fait aussi la particularité de cette ville et de cette région. Alors, les historiens affirment que c'est grâce à sa situation géographique, c'est grâce à la situation géographique de Montréal, donc à la jonction du Saint-Laurent et des rapides de la Chine, que la ville a vu le jour. C'est que... Voilà. En fait, c'est la ville que vous voyez. Ça ne sera pas un très bon enregistrement, mais vous voyez très bien maintenant le long milieu, la ville de montagne, la Seine-Y, fleuve Saint-Laurent, rapide de la Chine, donc rivière des Prairies, on ne voit pas si bien que je l'aurais souhaité, mais en fait. Donc voilà, c'est que la dernière fois, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'informations géographiques, alors là, j'ai pris le temps de bien les expliquer, d'autant plus que les localités dont je vais parler se situent dans cet archipel. Donc pendant longtemps, en fait, comme je l'ai déjà expliqué, ce qui se produit, c'est que les marchandises qui transitaient entre Montréal, l'arrière-pays et d'autre part l'Europe, ces marchandises arrivaient par ce qu'on appelle les pays d'en haut, c'est-à-dire dans la région des Grands Lacs, marchandises essentiellement commerce de la fourrure, arrivaient donc par les Grands Lacs, devaient être déchargées à Montréal parce qu'il y avait ces fameux rapides de la Chine dont je vous ai parlé ici qui bloquaient toute navigation jusqu'à ce que le canal ici soit aménagé au début du 19e siècle, puis réaménagé et élargi. Donc, ce transbordement va permettre, dans le fond, à Montréal de grandir, de croître. Transbordement donc des marchandises, la traite des fourrures, qui vont ensuite vont être transbordées donc, sur des bateaux pour s'en aller vers l'Atlantique et vers l'Europe. De la même façon, les produits finis remontaient le fleuve, étaient transbordés à Montréal et puis remis sur des embarcations pour aller vers la région des Grands Lacs et l'arrière-pays. Donc c'est ce rôle de Montréal comme lieu de transbordement des marchandises qui est à l'origine de son histoire et qui va assurer une bonne partie de son développement économique, qui va faire dans le fond de Montréal un réel carrefour si on veut, un rôle qui va se préciser justement avec l'aménagement du canal de la Chine dans les années 1820 et ses aménagements ultérieurs, qui vise donc à favoriser la navigation transcontinentale. Montréal va être aussi un nœud de communication sur le plan ferroviaire. C'est qu'on va aussi choisir de placer Montréal, mais en fait c'est que les grandes élites économiques sont concentrées là, de telle sorte que va se greffer un réseau ferroviaire à Montréal, qui va devenir le point de jonction entre différents modes de transport. Construction ferroviaire qui s'amorce, elle, dans les années 1840-50, qui va être vraiment le fer de lance du développement industriel de la ville et qui va faire en sorte que Montréal va avoir une activité industrielle importante, industries qui vont souvent se localiser le long des rives du Saint-Laurent, sur la rive sud de l'île de Montréal, et qui va faire en sorte donc d'urbaniser cette rive. À partir de... Et là, ici, on a une carte qui montre bien cette rive de la face à la ville qui a été aménagée en port et qui comporte tout un ensemble de quais. Donc, de là, la ville va croître dans une forme de T inversée, donc avec cet axe industriel le long du fleuve et un axe transversal qui monte, si on veut, et qui traverse littéralement le sud de part et d'autre de la rue Saint-Laurent. Donc la ville croît ainsi au cours du 19e siècle et finalement elle va prendre de l'expansion avec la période d'annexion des petites municipalités de banlieue qui se sont développées au fur et à mesure et qui vont être intégrées en Montréal de 1910 à 1918. Et là on le voit encore, on retient encore jusqu'à un certain point cette forme de T, on la voit bien, qui fait en sorte que le territoire de Montréal va s'étendre de plus en plus avec le temps. Donc on a ici le territoire d'une commission métropolitaine avec des villes qui sont demeurent indépendantes et qui font partie de cette structure métropolitaine. Donc voilà, la ville s'étend de cette manière-là au cours du 20e siècle pour donner, avoir à peu près cette forme-là après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça vous permet juste de saisir un peu, vous revoyez l'île avec ses subdivisions qui changent très peu, vous l'aurez remarqué parce que la grande phase des annexions des banlieues se termine dans les années 20 à part quelques exceptions, mais c'est la zone métropolitaine qui se développe et là on la voit de 10 ans en 10 ans. Donc c'est cette zone qui nous intéresse d'une certaine façon pour juste vous permettre d'avoir une image mentale des lieux. En fait, le premier cas d'étude, c'est la réserve ici de Kanawake qui se trouve exactement ici. Je vais vous montrer d'autres illustrations. Et vous avez la rivière des Prairies ici, dont on parlera dans un second temps. En fait, de cette portion centrale de la rivière qui est beaucoup plus urbanisée que d'autres parties, qui reste agricole jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, premier cas, c'est Kanawake. Kanawake, qui est un territoire donc, amérindien, Mohawk, plus précisément, situé donc, sur la rive sud, à environ 10-12 km de Montréal, donc juste en amont des rapides de la Chine, juste avant les rapides de la Chine. Ce qui est très étonnant, c'est que même si cette communauté et ce territoire est tout proche de Montréal, on n'en a jamais parlé vraiment dans l'histoire urbaine de la ville. On traitait beaucoup cette localité dans l'historiographie de l'histoire des Autochtones. Et donc, ces deux historiographies qui ne se parlaient pas nécessairement. Mais d'une certaine manière, dans l'image mentale des Montréalais, ce territoire est un peu un point aveugle qui échappe à la compréhension des choses. Alors donc, ce chapitre rédigé dans le livre par Daniel Rook est donc parfaitement bienvenu parce qu'il nous permet d'articuler l'histoire du territoire, de la réserve en particulier, à l'histoire environnementale de Montréal. Alors, rapidement, l'histoire de cette communauté donc, remonte aux années 1660, au moment où est établie une mission religieuse par les Jésuites sur ce territoire-là. C'est un territoire donc, de mission qui va être intégré dans le système seigneurial, mais une portion du territoire occupé par les Autochtones va devenir une réserve gérée sous l'autorité, si on veut, du gouvernement fédéral. Alors, j'allais très très vite là-dessus, simplement pour vous dire que, dans le fond, à un moment donné, lorsque la société euro-canadienne ou blanche voulait acquérir du territoire et le pouvoir sur un certain territoire, faisait des ententes avec les Amérindiens pour obtenir la possibilité d'utiliser le territoire sur lequel elles étaient installées pour le développement de l'agriculture, la colonisation de façon générale. Il se trouve que dans ce contexte-là, bien souvent, les Amérindiens voyaient se tarir leurs moyens de survie, chasse, près des fourrures, en l'occurrence pour ce qui est des Amérindiens de Kanawake, de telle sorte qu'en échange, si on veut, de rétrécissement de leur territoire, qu'on va appeler une réserve, les autorités politiques s'engagent à leur fournir des moyens de subsistance de l'ordre de graines, par exemple, d'outils agraires, de fusils pour la chasse, lignes à pêche, etc., etc. Donc, c'est une forme d'échange qui fait en sorte qu'on puisse, qu'on finit les Amérindiens sur des réserves et pouvoir développer le territoire. Quoi qu'il en soit, donc, c'est un peu l'histoire de cette partie-là dont je veux vous parler. Alors, ce territoire a été longtemps un lieu de passage dans la traite des fourrures, justement, où les Amérindiens servaient d'intermédiaires pour le commerce entre les marchands montréalais et les marchands anglo-américains. en plus d'être chasseurs eux-mêmes. Mais à partir du début du 19e siècle, il faut savoir que toute l'activité de presse des fourrures s'éloigne vers le nord-ouest parce que le nombre de bêtes se tarit, la ville commence à se développer, de telle sorte que les Mohawks vont avoir de plus en plus tendance à travailler, à se diriger vers les emplois urbains disponibles, que ce soit dans le domaine de l'industrie du bois, plus tard dans le domaine de l'industrie de l'acier, notamment. Alors, ils vont se développer donc le long des rives du Saint-Laurent en face de Montréal, avec aussi des activités d'agriculture, culture de différentes céréales, maïs, orge, pois, et etc., etc., qui est plutôt cette culture, le travail des femmes. Alors donc, les échanges se poursuivent, si on veut, avec Montréal, à travers ce marché du travail, cette main-d'œuvre mobile qui traverse le pont pour aller travailler à Montréal ou traverse par l'eau pour aller travailler à Montréal. Opérations aussi qui se font ou échangent avec Montréal à travers des opérations d'extraction, en particulier du calcaire dont les carrières de Kanawake sont très riches et qui est une pierre de plus en plus en demande à partir du moment où se construisent ces infrastructures de transport que sont le canal de la Chine que l'on retrouve ici et aussi le pont Victoria qui est ici et dont les piliers vont être constitués de ce calcaire. Alors ici, Kanawake, donc la traverse se faisait bien souvent par ici. Ça, c'est un premier pont, une première voie ferroviaire qui va être construite et qui va s'arrêter à Kanawake comme telle dans les années 1850. C'est cette ligne de chemin de fer. Mais celle dont on va parler le plus, c'est la ligne de chemin de fer du Canadian Pacific Railway, le CPR, pour aller vite, qui va, elle, traverser littéralement le fleuve et s'étendre d'est en ouest. En fait, c'est le grand chemin de fer qui traverse le Canada et qui va traverser donc à cette hauteur-ci pour s'en aller, dont une branche va s'en aller vers les États-Unis. Alors donc, c'est vraiment les travaux entourant l'aménagement de cette voie ferrée en 1887 qui est l'objet du chapitre de Daniel Rook, travail à travers lequel il va justement montrer comment cette articulation de la communauté avec le territoire montréalais se fait et avec les autorités aussi. Alors, l'épisode qui entoure la construction de ce chemin de fer met au jour, dans le fond, les différences majeures qui existent dans la manière de réglementer la propriété et l'usage du sol. Il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, la propriété du sol sur la réserve amérindienne et autour est réglementée par ce qu'on appelle le droit coutumier. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est l'usage de la terre qui établit la propriété, le droit de propriété, si on veut. Alors, tant qu'on utilise un lopin de terre, il nous appartient, mais si on l'abandonne pour s'installer ailleurs, parce que le bois, par exemple, n'est plus aussi important ou des choses comme ça, ben, on perd cette propriété du sol lorsque l'on vit dans la communauté amérindienne. Alors, donc, on subdivise le territoire en fonction de nos besoins. Donc, on va utiliser ou cultiver un territoire conforme aux besoins en termes d'agriculture. Si on a des chevaux, ça va aussi déterminer la taille du territoire, etc., etc. Donc, pour les observateurs de l'extérieur, il s'agit d'un système qui semble anarchique, qui ne répond pas évidemment aux mêmes critères de propriété que ce l'est dans la société occidentale. On assume parfois à tort que c'est une propriété totalement collective du sol, ou bien que, à l'inverse, c'est une propriété subdivisée sur une base individuelle, mais on ne comprend pas très bien les articulations de l'un à l'autre. Alors, ces questions-là deviennent beaucoup plus importantes justement à partir du moment où le gouvernement fédéral souhaite, dans le fond, délimiter plus clairement les terres des Amérindiens par rapport aux terres qui entourent ce territoire-là. Il faut savoir que c'est une terre extrêmement fertile qui va se faire défricher et qui va être propice à l'agriculture. Alors, de telle sorte qu'on a besoin, dans le fond, d'établir des frontières claires, non seulement par rapport à l'extérieur de la réserve, mais aussi sur la réserve même, parce que, dans le fond, on veut un seul régime de propriété, on veut des délimitations claires, l'État prend son envol et veut donc délimiter la situation. Une situation, donc, qui, je l'ai dit, peut permettre aussi d'arbitrer les conflits qui sont toujours susceptibles de surgir. Mais cette idée, donc, d'arpenter le territoire qui se met en forme précisément au début des années 1880, déplaît, ou en tout cas, le projet n'est pas partagé par toute la communauté, parce qu'elle induit pour cette communauté une certaine inéquité entre ceux qui sont installés sur des territoires plus fertiles, sur des lopins de terre plus fertiles par rapport à d'autres. Donc, ça a pour effet de figer une situation, une gestion, si on veut, de la situation, alors que jusqu'à maintenant, c'est plutôt la mobilité qui est le principe d'organisation de l'occupation du sol et de la subsistance par la même occasion. Mais bon, la communauté voulant montrer sa bonne volonté et voulant coopérer, dans le fond, à cette entreprise de régulation et de régularisation des titres de propriété, va accepter de marcher, de fonctionner dans cette entreprise d'arpentage systématique du sol de la communauté. Or, et cependant, je dirais, j'avais une autre diapositive ici que j'ai pas présenté, qui vous donne une idée du village au début des années 1900. Cependant, pour tout un ensemble de raisons, cet arpentage systématique du sol va être stoppé en 1885. Il va être stoppé en 1885 en partie parce que ça donne lieu à beaucoup de contestations de la part des Américains qui n'ont plus les moyens, dans le fond, de se défendre et qui vont littéralement boycotter le principe, de telle sorte que le document produit par l'arpenteur Waldenck va rester en plan. Mais ça va demeurer la référence légale jusqu'à aujourd'hui, avec pour résultat qu'aussi tard qu'en 1982, on estime que plus de 57% des propriétés recensées à l'intérieur de ce fameux plan d'arpentage, donc plus de 57% des propriétés recensées font encore l'objet de contestations parce que les types de propriétés ont été mal définis. Alors, ce territoire va demeurer très flou et ici, on a une carte satellite qui permet de voir qu'est-ce qu'il en est. Puisque les titres de propriété demeurent très flous, ça veut dire qu'il y a toute une partie du territoire qui va demeurer en friche. Et aujourd'hui, dans le fond, lorsqu'on regarde sur la rive sud, on voit ce territoire qui n'est pas développé et qu'on attribue à une forme d'occupation du territoire différente des Américains. Alors, donc, vous voyez ici ce territoire de la réserve et on voit bien, on ne voit pas très bien, encore une fois, c'est la qualité de lignée, les illustrations du tableau aussi. Je ne vois pas critiquer, j'ai compris, mais qui fait en sorte qu'on a du mal à distinguer, mais on voit bien la séparation des terres, les lots, la différence est assez nette. Mais c'est parce qu'ici, c'est très urbanisé, en fait, c'est très développé, et donc il n'y a que des petits lopins de terre. Donc, vous voyez par l'image satellite ce que ça donne, en fait, comme type d'occupation du sol. Alors, toute cette opération d'arpentage, comme je l'ai dit tantôt, avait pour but de régulariser la situation, mais elle avait aussi pour but de faciliter le processus d'expropriation en vue d'établir cette fameuse ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique. Or, ce qui va se produire, c'est qu'avant même que cette ligne de chemin de fer, avant même que les titres de propriété aient été réglés, la compagnie va de l'avant. Dans le fond, il s'agit de continuer l'aménagement de cette ligne de chemin de fer et va construire donc le tablier du pont. Alors, ce pont, vous le voyez, n'est-ce pas, qui traverse le Sénat, va donc littéralement choisir d'établir le tablier du pont à un endroit qui lui semble propice, sans tenir compte de l'état du territoire, et ça va avoir pour effet de détruire les récoltes à cet endroit-là. Alors, le dédommagement que l'entreprise privée va donc offrir aux Amérindiens, aux agriculteurs, ça va être simplement de les dédommager pour les récoltes perdues sans tenir compte de la propriété du sol. En fait, l'entreprise va se dire que cette question-là doit être, dans le fond, gérée par le gouvernement fédéral qui demeure en dernier lieu, d'une certaine façon, le propriétaire légal du sol et va donc agir, dans le fond, comme sans tenir compte des populations installées et sans procéder à aucune forme de dédommagement pour l'occupation du sol à cet endroit. Alors, ce qui est particulier aussi de la construction de ce pont ferroviaire, c'est que plutôt que de faire office de lien pour la communauté Mohawk entre son territoire et le territoire de Montréal, ce pont va constituer littéralement une barrière. Pourquoi est-ce le cas? C'est qu'à partir de 1804, c'est un pont ferroviaire, je l'ai dit, donc c'est un pont qui est emprunté par les Amérindiens pour aller travailler à Montréal. Un recensement qui a été fait juste avant au moment de la fermeture du pont aux piétons estime qu'il y avait autour d'un millier de traversées par semaine de ce pont, ce qui correspond en gros à peu près une centaine de personnes qui traversaient le pont deux fois par jour pour aller travailler. Alors du coup, à partir du moment où on bloque l'accès aux piétons, eh bien, on bloque nécessairement aussi ce lien qui s'était établi sur le plan du marché du travail. Alors donc, ce pont, d'une certaine façon, qui représente un lien, va avoir pour effet de couper la réserve du reste du monde, puisque, à partir de l'entrée en vigueur de cette interdiction, donc, il devient impossible ou très difficile pour les Amérindiens de se rendre sur le lieu de travail de manière régulière. Alors, bien entendu, il va être possible à certains temps de l'année de pouvoir traverser en embarcation, mais on n'a pas de moyen traverser de façon systématique. Donc, le pont pour les Montréalais, pour les entrepreneurs montréalais, les hommes d'affaires, représente cette ouverture avec le monde, un nouveau canal pour favoriser les activités de commerce, les voyages et les échanges avec le marché américain, puisqu'on s'en va vers le sud, mais coupe la réserve de la région montréalaise. Oui, juste pour que j'ai pas compris, on construit un pont pour qu'ils peuvent pas passer. Parce qu'il passait à pied et c'est un pont ferroviaire. Et donc, pour des raisons de sécurité, il ne pouvait plus l'emprunter. Alors que durant, disons, les 10 premières années, on avait toléré cette présence. Mais on peut imaginer, l'article ne l'explique pas, mais on peut imaginer que les trains vont circuler plus vite avec le temps. Il va y avoir plus de trains aussi, parce qu'il y a un accroissement des activités économiques, de telle sorte que ça doit déranger le passage nécessairement des wagons, donc des convois. Alors, si cet état de fait est à sens unique, c'est-à-dire cette coupure, elle est à sens unique parce que c'est seulement les populations de la rive sud qui sont bloquées, survient une crise en 1992 qui va inverser pendant un certain temps les rôles. C'est ce qu'on appelle la crise d'Oka, que je ne développerai pas, mais qui est une crise qui émerge de la non-reconnaissance du droit de propriété des Amérindiens sol sur la rive nord de Montréal, donc je n'ai pas l'endroit, mais en appui, en solidarité avec une autre communauté iroquoise, les Mohawks de Kanawake vont décider cette fois-là de bloquer le pont Mercier. Pont Mercier que vous voyez ici et qui a déconstruit celui-là en 1934 pour la circulation automobile. Donc en 1990, pour faire pression, les Amérindiens bloquent ce pont pendant deux mois. Pont qui est le troisième le plus occupé de la région montréalaise, donc en représailles. et ils font sentir d'une certaine façon aux Montréalais ce que c'est que d'être bloqué et de ne pas pouvoir traverser. Alors aujourd'hui, donc dans le contexte urbain tel qu'on le connaît, et cette carte satellite nous le montre très bien, hein, aujourd'hui la réserve de Kanawake apparaît bien différente des autres parties de l'archipel montréalais et qui pourrait être interprétée comme une exception qui s'explique par des pratiques culturelles, des pratiques économiques différentes. Or, il faut bien voir que cette exception écologique de la région, si elle est certes liée en partie aux pratiques communautaires du groupe, elle résulte aussi de la construction fédérale et de la gestion du sol par le gouvernement fédéral, et est donc le produit d'un processus d'urbanisation et d'industrialisation de l'économie, donc où s'entremêlent ces deux aspects-là. Alors, je m'arrête là-dessus pour ce qui est du premier cas, et j'enchaîne avec un deuxième cas qui est tout à fait différent, mais qui permet aussi de voir certaines articulations et ce processus d'urbanisation au-delà des frontières de Montréal. Alors, ce deuxième cas, c'est la rivière des Prairies, j'aurai une carte dans quelques instants, qui pose, elle, d'autres types d'enjeux, des types d'enjeux tout à fait différents, mais qui permettent, sous un autre angle, de réfléchir à la production d'environnements urbains. Alors, je commence par une citation qui vous permet de voir comment la rivière des Prairies et la région, en fait, toutes les rives, sont conçues au début des années 40. Alors, c'est Pierre Dagenais, au Pionnier de famille, est un géographe connu, spécialiste de Montréal, et qui écrit « Un horizon nouveau s'ouvre vers l'est et vers l'ouest, de chaque côté de l'obstacle du Mont-Royal, que l'on ne tardera pas à contourner par deux côtés à la fois, d'un côté dans la poche d'Outremont, de l'autre dans celle de Westmont. Comme deux têtes d'armée en marche, ces deux poussées se rapprochent de plus en plus au nord du paisible et verdoyant Mont-Royal et achèvent leur manœuvre d'encerclement. L'évolution n'est pas terminée, au contraire, elle est en plein progrès. Il lui restera encore de l'espace, beaucoup d'espace, entre la montagne et la rivière des Prairies notamment, puis ensuite dans les petites municipalités voisines. Ainsi, Montréal peut encore largement s'étendre sans sortir de son île. » Alors, la métaphore militaire qui est contenue dans cette citation, traduit bien la volonté de conquête du territoire et de la nature propre à la première moitié du 20e siècle et qui accompagne l'avancée de l'urbanisation, une avancée de l'urbanisation que l'on sent être inexorable dans cette situation. La rivière des Prairies et ses berges sont présentées comme étant en attente de leur urbanisation prochaine. Pourtant, au moment où ce géographe écrit ces lignes, il faut savoir que l'arrière de la ville et son cours d'eau, contrairement à la représentation bucolique que l'on en a souvent, sont en plein processus de transformation. Alors, simplement pour vous resituer, alors ici, on a la réserve amérindienne dont on a parlé, ici, on a la rivière des Prairies, qui est la plus urbanisée, si on veut, la plus développée. Alors, on voit la forme du T, je vais bien inventer. Hein? On voit très, très bien la forme du T. Ça ne veut pas dire que le reste est complètement inoccupé ou complètement rural, mais disons que la concentration se fait beaucoup là. Alors, la portion qui est la plus urbanisée de la rivière des Prairies, c'est de Cartier-Ville, ici, qu'on devine, jusqu'à Montréal-Nord. Et de toute façon, on le voit par les inscriptions au sol du bâti. Alors, c'est de cette portion de la rivière qu'il sera question. Donc, au moment où on écrit ces lignes, on a l'impression que cette rivière de Prairies est un lieu bucolique où ça donne à des activités nautiques ou autres certains villégiateurs. Pourtant, cette rivière, cette rivière qui se trouve dans l'arrière de la ville est déjà bien intégrée à l'espace urbain montréalais par un ensemble d'infrastructures notamment liées à l'eau. Alors, je rappelle que cette rivière des Prairies, comme je l'ai dit, est un bras secondaire. Et là, je rediffuse cette carte. On le voit très bien, hein, bras secondaire de la rivière Ottawa et qui s'écoule d'une extrémité à l'autre de l'île de Montréal. Alors, dans sa portion centrale, comme j'ai dit, de Cartierville à Montréal-Nord, c'est une rivière qui est en voie de devenir l'exutoire naturel du versant nord de l'île de Montréal. Il y a deux versants à l'île de Montréal, dont les eaux s'écoulent soit vers le Saint-Laurent, soit vers la rivière des Prairies. Et cette portion de la rivière est vraiment en voie d'être intégrée, dans le fond, dans le réseau de drainage des égouts montréalais, puisque dès les années 20, elle reçoit les eaux usées de 7 collecteurs du côté montréalais et de 3 autres du côté de l'île Jésus, c'est-à-dire l'île qui est l'île de Laval, donc au nord de l'île de Montréal. Alors donc, c'est une rivière déjà fortement urbanisée, quoi qu'en dise notre géographe. À cette époque précise de la fin des années 10, début des années 20, se dessine un projet de construction d'un barrage hydroélectrique à la hauteur du rapide du saut au Récollet. C'est qu'il faut savoir que cette rivière, elle comporte tout un ensemble de rapides, dont un des principaux est le saut au Récollet. C'est ce projet de barrage hydroélectrique qui va constituer l'élément déclencheur qui va accélérer, dans le fond, la transformation de la rivière à partir de l'entre-deux-guerres. Alors, comme ailleurs, en milieu urbain ou en milieu non urbain, où des barrages hydroélectriques sont aménagés, celui-ci va provoquer bien des craintes et bien des objections. Mais plutôt que d'opposer des usages pré-industriels à des visées industrielles, c'est principalement deux systèmes socio-techniques qui sont en cours d'élaboration et qui s'affrontent. D'une part, le premier système repose sur l'altération du débit de la rivière et son utilisation pour produire une nouvelle source d'énergie, en l'occurrence de l'électricité. Le second système mise au contraire sur les rapides, dont le pouvoir de diffusion constitue un élément essentiel du plan de drainage du versant nord de l'île et éventuellement de l'île tout entière. Donc, un usage du débit de la rivière à des fins différentes, mais aussi de manière différente. Alors, ce qui est en jeu au début des années 20, c'est donc pas la protection des attributs naturels de cette rivière, mais c'est plutôt d'adapter l'infrastructure que cette rivière est devenue au nouveau contexte qui va être créé par la présence du barrage, et ce, afin de limiter son degré de contamination. Alors, on a une carte ici qui a été produite par les autorités sanitaires du gouvernement provincial et qui montre bien justement l'infrastructure qui est déjà devenue cette rivière des Prairies. Alors, de Cartierville, donc à Montréal-Nord, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais ce qui est dessiné sur cette carte-là, c'est le problème de la juxtaposition du voisinage, devrais-je dire, entre les prises d'eau pour la consommation humaine et les égouts. Et donc, ce qu'on va ici noter, dans le fond, c'est le fait que bien souvent, les prises d'eau sont en aval des prises d'égouts, et c'est ce qui inquiète le service provincial d'hygiène. Vous voyez ici, d'abord, on ne voit pas les rapides, mais vous voyez ici que c'est dans cette région-là qu'on projette de bâtir le fameux barrage, d'aménager le fameux barrage. Alors, cette représentation, cette carte, je l'adore, parce que je trouve qu'elle parle bien de la manière dont on conçoit alors la rivière des Prairies, et que l'enjeu, donc, c'est pas les attributs naturel, mais bien cette question de faire en sorte que le système de drainage puisse continuer à opérer. Alors, la mise en place ou la confrontation de ces deux systèmes socio-techniques vont redéfinir à la fois la configuration de la rivière, mais aussi les rapports des riverains avec celle-ci et conduire à des articulations nouvelles avec le territoire montréalais. Ces deux systèmes, on l'imagine bien, posent des problèmes non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan social, parce que leur installation va transformer les modalités qui entourent l'accès à l'eau vive et ses usages. Alors, ce secteur de la rivière des Prairies, on l'a vu un peu dans la carte précédente, mais je vais le montrer aussi sur cette carte-là. C'est un secteur donc qui est en voie d'urbanisation depuis déjà les années 1890, d'un fond, c'est-à-dire au moment où on a pu faire circuler sur les grandes allées qui traversent l'île, soit des tramways, soit des autobus, qui permettent aux populations de pouvoir se déplacer du lieu du travail, qui est généralement au sud de l'île, au centre-ville, vers leur résidence, vers leur domicile. Alors, première phase d'urbanisation fin 19e, début 20e, qui se prolonge à l'après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, phase auquel va s'ajouter, à partir de la crise économique des années 30, l'installation, cette fois-ci, de centaines de citadins qui est capable de payer les taxes municipales de leur propriété sur le territoire de Montréal, vont choisir de se relocaliser le long de la rivière dans des petits chalets de fortune et se mettre à l'abri jusqu'à temps que les choses s'améliorent. Donc, on a une vague d'urbanisation créée aussi par ces villégiateurs. Alors, je ne développerai pas sur les problèmes liés à l'implantation du barrage et les débats nombreux qui ont précédé tout cela et qui se déroulent tout au long des années 20 pour faire en sorte d'évaluer le meilleur endroit pour implanter le barrage, pour essayer de mesurer par des calculs le niveau d'inondation, la hauteur des eaux qui seraient provoquées par son installation, etc., etc. Seulement je vais insister sur le fait que, bien entendu, on imagine que ce barrage va transformer écologiquement la rivière en changeant son débit, en changeant son niveau et en faisant disparaître les rapides, ce qui va dès lors influencer et se répercuter sur tous les autres usages de la rivière en amont et en aval du barrage. Alors, on est dans une région qui est encore, là où le barrage est installé, comme on le voit, faiblement urbanisée. On est au bout de cette portion dont je vous ai parlé. Un barrage, donc, qui consiste à quoi? Qui consiste simplement à stopper l'arrivée de l'eau à cet endroit pour créer un bassin qui va servir à alimenter une centrale hydroélectrique au fil de l'eau et qui coupe le rapide qui était situé à cet endroit-là. Donc, ce barrage va nécessairement provoquer des inondations qu'on croyait pouvoir contrôler. On s'était entendu sur une hauteur permise de l'eau, mais bien entendu, les choses ne seront pas aussi simples, de telle sorte que ça va entraîner aussi tout un ensemble de contestations judiciaires dont je vous fais l'économie, puisque c'est un petit peu en dehors de mon propos. Alors donc, de fait, malgré les savants calculs, une fois le barrage érigé et la centrale en activité, donc à partir de 1929, des inondations se produisent et qui sont beaucoup plus nombreuses que celles qui avaient été escomptées par l'entreprise et les ingénieurs en particulier responsables de cette contrat. Ainsi, dans le fond, ce qui se produit, c'est que les eaux en amont du barrage ne vont pas réagir comme prévu, sans compter que la zone inondée va déborder des limites convenues dans le contrat de concession des forces hydroélectriques de la rivière. Alors, dans le fond, les divers conflits qui vont surgir dans ce contexte-là attestent tous de la difficulté à gérer le débit de cette rivière. Alors, autant cette situation va être complexe sur le plan juridique et sur le plan politique, autant elle va l'être sur le plan environnemental, puisque le paysage lui-même est en changement et que les situations évoluent. Alors, non seulement la rivière continue de se transformer à cause de la présence du barrage, mais aussi il y a des changements qui surgissent en amont du barrage sur la rivière des Prairies, dans le lac des Deux-Montagnes ou encore sur l'Outaouais. Donc, en dépit du travail qui a été effectué afin de réussir à gérer le courant d'une manière rationnelle et d'une manière contrôlée, en l'intégrant dans ce système de production d'électricité, les rythmes de la rivière vont engendrer de l'instabilité, une instabilité qui va nécessairement entraîner des ajustements qui vont être relativement nombreux durant les premières décennies de la mise en opération du barrage, mais on peut dire qu'à partir de la fin des années 40, début des années 50, on a relativement bien maîtrisé la situation. Or, mais cependant, donc je dis que ce barrage bouleverse les autres usages et, en premier lieu, à partir du moment où il entre en fonction, le problème de la contamination de la rivière devient beaucoup plus critique. Il faut dire qu'au cours des années 20, je l'ai mentionné, l'urbanisation se poursuit, ce qui veut donc dire aussi que les déversements d'égouts dans la rivière augmentent eux aussi. Alors, aux eaux usées domestiques de la population de Montréal, s'ajoute celle des autres municipalités riveraines situées sur le versant nord de l'île et qui utilisent cette rivière comme collecteur pour leurs égouts. Le problème, donc, c'est qu'on a plus de déversements d'égouts, mais c'est que aussi la mise en activité du barrage aggrave ce problème de contamination de l'eau, parce qu'en modifiant le débit de la rivière, le barrage retient le long des rives les eaux usées qui se déversent toujours plus abondantes. Alors, autant les pétitions qui vont être formulées pour critiquer la situation de dégradation de la qualité de l'eau, autant ces pétitions s'accumulent, autant les autorités sanitaires vont tenter, elles aussi, de régulariser ou de réglementer la situation sans pouvoir empêcher véritablement le déversement des eaux usées dans cette rivière, parce qu'on a beau vouloir les empêcher, encore faut-il que ces eaux se rendent quelque part. Alors donc, on va essayer, par ordonnance de la Commission des services publics, de forcer Montréal et les municipalités adjacentes de s'entendre pour installer un système un intercepteur, dans le fond, qui récolterait ces eaux usées et les rejetterait, après traitement, à la pointe nord-est de l'île de Montréal. Cependant, ces ordonnances arrivent en pleine crise économique, de telle sorte que le projet est repoussé, et d'autant plus repoussé qu'après la crise surgit la Deuxième Guerre mondiale, et tellement repoussé, et là je fermerai ma parenthèse pour vous dire que ce projet va finalement être mis en vigueur seulement en 1985 pour des raisons notamment de conflits de juridiction entre les municipalités qui ont du mal à s'entendre entre elles pour régler ce problème. Alors donc, un problème qui est vraiment relayé au second plan. En plus des inondations et de l'augmentation de la pollution, ce barrage hydroélectrique va entraîner des retombées sous un autre plan, plus inattendu celui-là. C'est qu'en atténuant la vigueur des rapides, il va modifier, comme je l'ai dit, le débit de la rivière, mais ça va créer des conditions propices à la baignade. Alors donc, dans les années 30, il faut savoir que ce secteur va devenir un endroit de prédilection pour les villégiateurs, les visiteurs du dimanche et même les riverains qui vont pratiquer la baignade de plus en plus en aval du barrage. Or, le problème, c'est que c'est l'endroit où les eaux sont souvent le plus souillées. Alors, la popularité de cette baignade va engendrer une volonté de contrôle de la part des autorités sanitaires de Montréal et du Québec qui tentent de faire appliquer des règlements pour empêcher les gens de se baigner dans des eaux dont la propreté n'est pas garantie. Mais malgré tout, la rivière des Prairies devient un endroit dans le fond qui attire, comme j'ai dit, les villégiateurs. C'est un endroit aussi où s'établissent les petits propriétaires affectés par la crise. Donc, l'urbanisation des rives, loin de s'atténuer, continue de plus belle, d'autant plus que puisqu'il y a des citadins qui vont s'établir, eh bien, vont s'ajouter des petits bars, restaurants, petits hôtels qui, à leur tour, colonisent les berges et utilisent la rivière. À la fin des années 30, ce qu'on voit, c'est que les critiques se multiplient, cette fois-ci, de la part d'un fond des résidents de ces secteurs qui ressentent, dans le fond, comme une injustice, hein, cette souillure de leur rivière qui se dégrade sous leurs yeux, une souillure qui dans le fond, provient, selon eux, des citadins qui envahissent leur rive, hein, les habitants de Montréal qui envahissent leur rive et qui salissent, dans le fond, la rivière en se baignant, mais en pratiquant aussi toutes sortes d'activités. Dans le fond, donc, l'urbanisation de la rivière depuis la fin du 19e siècle et plus encore avec la construction du barrage électrique conduit donc littéralement à la formation de nouveaux environnements ou systèmes techniques, composantes naturelles transformées et rapports sociaux s'enchevêtrent étroitement. Donc, il s'ensuit finalement l'intégration d'une grande partie de la rivière dans le système des eaux usées de Montréal, mais aussi, et j'ai oublié de faire la diapo, mais aussi dans le système de distribution de l'électricité dans la région Montréal, puisqu'il y a le barrage, ce fameux barrage produit de l'hydroélectricité qui va être consommé essentiellement à l'échelle locale, parce qu'on est à une époque où le transport de l'électricité sur des grandes distances est très peu développé. Donc, articulation aussi par le transport de cette énergie. Alors, la rivière et ses berges qui se trouvaient en dehors des limites de la ville et qui n'étaient que vaguement connectées hein, au territoire montréalais jusqu'à la fin du 19e siècle, en viennent donc à être absorbées par l'avancée de l'urbanisation quelques décennies plus tard. Donc, en conclusion, j'espère que par ces deux exemples, qui sont très, très différents, j'en conviens, mais j'espère avoir réussi à illustrer la complexité, dans le fond, du mot « environnement » dans le cas montréalais, mais aussi au-delà, donc de manière plus générale. Alors, comme j'ai essayé de le montrer, ça supposait de considérer d'emblée le caractère mobile des frontières qui traversent la région montréalaise, et de prendre en compte le fait que ces frontières sont constamment redéfinies et retravaillées, à la fois par des processus écologiques et des processus politiques, de même que par l'aménagement d'infrastructures. Donc, considérer donc d'emblée ce caractère mobile des frontières. En second lieu, j'ai adopté un parti pris dans cet exposé en faveur d'une approche de l'histoire des environnements de Montréal à partir des périphéries, plutôt qu'à partir du centre, ce qui me semble intéressant pour tenter de saisir pleinement l'idée de réciprocité entre éléments naturels et éléments sociaux, mais aussi entre différents milieux à l'intérieur de cette région. Le premier exemple de Kanawake donc, a permis de mettre au jour le travail qui est opéré sur des populations à l'extérieur de la ville, pour les urbaniser et surtout pour redéfinir leur territoire et le régime de propriété du sol à cet endroit. C'est un processus qui, autant que l'aménagement du pont, va participer à la production d'un certain environnement montréalais, à de nouvelles articulations des milieux, mais beaucoup plus des milieux dans ce cas-là que des populations, puisqu'on a vu que ces articulations nouvelles se traduisaient par une séparation relative des circulations de la population. De son côté, l'exemple de la rivière des Prairies a illustré comment l'exploitation d'éléments naturels et plus encore d'éléments naturels transformés, dans ce cas-ci par l'intégration du cours d'eau dans une infrastructure de rejet des eaux usées, mais aussi par son harnachement par le barrage. Donc, comment ces deux processus participent, là encore, à la production de nouveaux environnements. Ainsi, dans le fond, ces deux exemples montrent à quel point, pour saisir le processus d'urbanisation et de construction des environnements urbains, il est important de considérer les différentes échelles dans la ville, mais aussi hors de la ville, à travers lesquelles l'environnement urbain se déploie. Donc, considérer ces échelles dans et hors de la ville et à travers lesquelles l'environnement urbain se déploie. Dans le fond, ça montre combien, et comme William Cronin l'a dit il y a bien des années, ça montre combien ville et campagne font finalement partie d'un même milieu et que pour les saisir, il faut les considérer ensemble. Ce qui permet de débusquer jusqu'à un certain point, du moins, les fausses dichotomies qui sont utilisées par les acteurs autant que parfois par les historiens eux-mêmes, pour différencier environnement bâti et environnement naturel, ou encore ville et nature, ou ville et campagne. Donc, en fin de compte, j'espère avoir réussi à éclairer comment l'espace montréalais se constitue certes sur le territoire de la ville, mais aussi au-delà du territoire urbain proprement dit. Alors, j'avoue que j'ai peu parlé de la constitution de l'espace montréalais sur le territoire de la ville comme telle, à l'intérieur de ses frontières administratives, mais si vous le désirez, bien entendu, je pourrais développer aussi sur ces questions. Donc, voilà. Merci beaucoup, Michel, pour la présentation de ces deux cas très... présentation très claire et deux cas très intéressants, bien qu'ils soient aussi très différents. Peut-être avant de faire le débat, je voudrais vous poser une question très pointue et très courte. C'est le privilège de la présidente de séance. Exactement, je vais te donner la parole en premier. Non, d'habitude, je ne ferai pas ça, mais pour une fois. Si tu devais traduire en français « environmental history », est-ce que tu dirais « histoire environnementale » ou « histoire de l'environnement » ? Parce que c'est un débat qu'on a eu parfois au Reluch ou ailleurs, et il me semble que les exemples que tu donnes là m'ont fait reposer cette question. J'aimerais bien connaître ton point de vue sur le sujet. Oui. Bon, alors je vais te laisser le temps. Réfléchir. Dans le fond, peut-être que ce serait intéressant d'y revenir, mais je la note. Et revenir peut-être à la lumière des échanges qu'on a eu, parce que de fait, le titre de la présentation dit bien le croisement de l'histoire urbaine et de l'histoire de l'environnement. Mais justement, ce qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant, c'est que ce que tu nous dis est une fois encore un exemple du caractère réunificateur de l'histoire environnementale. Moi, j'ai toujours peur que les gens nous disent que l'histoire environnementale est impérialiste, parce qu'on peut s'occuper de tout. On peut parler de tout dans ce cadre-là. Et en fait, il y a des tas de choses qu'on reconsidère aujourd'hui. On peut appeler les choses comme on veut. Ce qui a changé, c'est le regard qu'on porte dessus et l'intégration de la dimension environnementale, mais ça peut être... de l'histoire urbaine, de l'histoire rurale, de l'histoire... Ton exemple, par exemple, sur les Amérindiens, bon, c'est de l'histoire et aussi des minorités, de l'histoire de quelque chose. À ce propos, d'ailleurs, Martin Melosi, faisant le compte-rendu du livre que j'ai publié l'année dernière avec Richard Rogers sur la justice environnementale en Europe, dit que oui, il est très bien notre livre, mais on a oublié d'étudier les questions de race. Je ne sais pas si Martine a remarqué qu'elles sont pas très, elles se posent pas tout à fait dans les mêmes termes en Europe, mais bon, de toute façon. En tout cas, c'est vrai que pour l'Amérique en général, toutes les Amériques, la question des races est très très pertinente par le passé, et que c'est une vision très réunificatrice des choses. Ça paraissait très bien dans ce que tu nous as montré là. Alors, je vais laisser les gens poser des questions. J'en pose quand même une assez précise. Dans ton deuxième exemple, en fait, tout repose, tout arrive par la faute des ingénieurs qui, une fois de plus, ont annoncé qu'ils allaient construire quelque chose de génial, qui allait permettre de faire ci, de faire ça. Et on constate que le niveau a changé, qu'ils n'ont pas maîtrisé, que la pollution a été augmentée. C'est tout à fait... je peux faire tout à fait le parallèle avec ce que je suis en train d'étudier en ce moment. Je voudrais savoir si la responsabilité des ingénieurs a été mise en cause d'une façon ou d'une autre, ou ne serait-ce que pas forcément la responsabilité civile ou pénale, mais dans le débat qui a eu lieu autour de ces questions, est-ce qu'il a parfois été dit « Oui, il y a quand même des erreurs de calcul qui ont été faites quelque part, ou alors on a surestimé nos forces, ou alors on limite les terrains ?» Alors, je ne sais pas si les ingénieurs ont vraiment fait leur mien ou pas, parce que, dans le fond, mais peut-être, en fait, dans leur congrès, j'ai pas lu. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les conflits opposent une entreprise privée. Mais tu peux écouter, c'est ma question, parce que ça... Non, je ne conteste pas, mais je trouve que tu es très optimiste de penser qu'il y a un mea culpa des ingénieurs. Non, non, moi, je n'avais pas parlé de mea culpa des ingénieurs. C'est moi qui l'ai traduit comme ça. C'est toi qui l'as traduit. J'ai demandé s'ils avaient au moins été mis en cause. Est-ce que quelqu'un a osé dire quelque part que peut-être il y avait eu une erreur? Oui, c'est ça. Oui, on le voit dans les archives. J'allais dire, c'est un conflit qui oppose entreprises privées et petits propriétaires fonciers. Mais en plus, il y a le gouvernement provincial qui, quand même, a accordé le pouvoir à l'entreprise de pouvoir transformer cette rivière pour produire des forces hydrauliques. Donc, l'État est nécessairement pris à partie aussi. Dans ces conflits et ces poursuites, j'en ai exploré quelques-unes dans mon livre qui sont relativement nombreuses. Alors, ce qu'on voit, c'est que la résolution des problèmes d'inondation se fait par le dédommagement matériel, bien souvent, de certains cas, mais c'est contesté. Généralement, ça va être contesté et on va attribuer le fait que le niveau de la rivière est plus élevé, par exemple, aux plus abondantes. C'est que de fait, en 33, 34, il y a un épisode de pluie très, très abondante et on va dire que c'est la pluie, c'est pas le barrage. Ensuite, on va dire aussi que, dans le fond, ça va être le froid, les glaces qui ne réagissent pas exactement comme on l'avait prévu. Et la façon dont on va régler globalement le problème, après avoir eu ces poursuites qui ont parfois permis des dédommagements, c'est qu'on va permettre, de reconnaître qu'il va y avoir un rehaussement légal de l'eau de... Je ne sais plus combien de mètres de plus que qu'est-ce qui avait été accordé initialement. Donc, on va ajuster la situation de telle sorte que finalement, la compagnie, l'entreprise, ne va plus être poursuivie avec la même vigueur puisqu'on reconnaît que l'eau va monter jusqu'à un tel degré plutôt que pas à un autre. Ça, c'est une chose. L'ingénieur en chef, en fait, de l'entreprise va avoir effectivement du mal, lui, à reconnaître ses torts, tandis que le représentant du ministère des eaux courantes, parce que c'est le ministère des eaux courantes qui est en charge de cela, va accuser à recouvert, en tout cas va accuser à recouvert oui, l'entreprise de mauvais calculs et de problèmes. Mais il faut voir que tout ça se produit dans un contexte où c'est le bien public défini d'une certaine manière qui prédomine. Donc, même s'il y a des poursuites qui sont effectuées, il reste que le barrage répond à une entreprise de bien public. Et le bien public, en l'occurrence, ça se décrit comment? Bien, ça se décrit comme dans la capacité de tirer profit des forces de la nature et, en l'occurrence, de tirer profit du courant. Alors, donc, ne pas tirer profit de ce courant, c'est ça va à l'encontre du progrès. Non. Tirer profit du courant, certes, pas n'importe comment et dans n'importe quelle circonstance, parce qu'on reconnaît la validité de certaines des requêtes des propriétaires fonciers, mais le projet dans son ensemble bénéficie de l'appui de toutes les forces économiques et gouvernementales. Donc, le cadre idéologique global, c'est celui-là. Tirer profit du courant, c'était aussi utilisé justement pour les élus. Il y a bien eu des débats avant la construction du barrage sur les problèmes que ça allait poser par rapport justement au drainage des égouts. Et comment est-ce qu'ils ont omis finalement ou mis de côté cette question-là et pour s'en rendre compte après est-ce que ça n'a pas été mis sur le devant de la scène justement? Oui, ça a été mis, en fait on le sait, parce que c'est ça quand j'ai dit tous les débats qui précèdent la décision finale d'accorder le contrat d'aménagement de la centrale au début des années 20. Il y a des débats déjà dans les années 10, au début des années 20, et donc toutes les municipalités vont faire la preuve qu'effectivement, s'il y a un barrage, ça va empêcher l'écoulement des eaux d'égout et leur circulation. Donc oui, la démonstration est faite, l'argument est avancé plutôt, mais on va contester cet usage de la rivière pour l'évacuation des eaux usées, en disant que, de toute façon, la ville de Montréal, qui est la principale en cause, aurait dû déjà faire en sorte de drainer son territoire d'une autre manière. Voyez-vous? Alors donc, la ville de Montréal va arguer du fait que, bien non, ce sont les voies naturelles d'écoulement de l'eau usée et qu'il en a toujours été ainsi. Et donc, elle a priorité sur le barrage électrique. Mais comme l'entreprise va produire de l'électricité et qu'on veut, on est demandeur de l'électricité, en fait, le problème sanitaire va être relégué au second plan, littéralement. Et la façon de le résoudre, en fait, il y a deux façons de le résoudre. Il faut voir que s'implante, à partir de la fin des années 10, début des années 20, la généralisation de systèmes de traitement d'eau potable. Alors du coup, à partir du moment où Montréal se dote d'une grosse usine de traitement de l'eau, de filtration de l'eau, et qu'elle peut approvisionner ces petites municipalités, la question de la rivière, de la pollution de la rivière devient secondaire, puisque la santé publique est garantie. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que ces débats-là vont aller donc en s'atténuant jusqu'à ce que les usages de loisirs se développent, et là, tout à coup, on remonte au créneau pour critiquer, tu sais, pour alerter aux problèmes de santé publique, mais qui résultent cette fois-ci des usages de l'eau à des fins récréatives baignades, mais aussi pêche. Mais je dirais quand même qu'en réalité, là, il faudrait chercher beaucoup plus en détail. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cette recherche, mais c'est sûr que les hygiénistes alertent au fait que les gens se baignent dans des eaux polluées. Bon, des eaux qui reçoivent ces eaux d'égout, etc., etc. Mais on est dans les années 30, et jusqu'à la fin des années 50, les gens se baignent dans cette eau. Et ce qui va arrêter la baignade, c'est la présence de policiers, littéralement. Il va falloir des policiers qui arrêtent les gens et qui stoppent la baignade, littéralement, pour que les gens arrêtent complètement de se baigner. Donc, en d'autres mots, entre les cris d'alarme et la réalité, il faudrait voir s'il y a eu des études très, très précises. Est-ce que ce n'est pas juste par observation empirique qu'on se dit ben, « cette eau-là, elle est impropre et on ne doit pas se baigner, c'est dangereux. » Est-ce qu'il y a eu des maladies, etc. On sait qu'il y a des maladies d'eau qui peuvent en résulter, mais les pratiques ne seront pas stoppées jusqu'à la fin des années 50, début des années 60. Donc oui, on fait, on donne priorité aux impératifs économiques, disons, sur les impératifs de santé publique, malgré que, sur le plan de la santé publique, il y a eu quand même une amélioration notable. Et donc la rivière, après ça, de toute façon, vous voyez, en 22, on la voit déjà comme un grand collecteur. Tu vois, tes Montréalais, tes ingénieurs, enfin les promoteurs du barrage étaient moins malins que les ingénieurs nantais, parce qu'eux, ils ont fait signer à la ville de Nantes quand ils ont bouché la rivière. Ça se passe 10 ans après, c'est quand même très comparable. Ils ont passé un accord disant que la ville de Nantes prenait à 100% à sa charge la réfection du système d'égout, qui ne pourrait plus se jeter là, donc il fallait construire des collecteurs nouveaux, etc., pour les jeter dans le bras principal qui n'était pas bouché. Et c'est la ville qui a tout payé, alors que la ville n'avait rien demandé à ce qui lui arrivait. Elle était que de... Bon, c'était les services de l'État qui étaient en faute. Ouais. Alors, on avait déjà fait comme critiquer la ville pour utiliser de façon aussi abondante des cours d'eau qui se déversaient, tu sais, des petits ruisseaux qui se déversaient dans la rivière des Prairies, et d'en avoir fait des collecteurs d'égout au lieu de capter ces eaux d'égout et les rejeter. Bon, de placer le problème en aval, bien entendu, on ne croit pas là-dessus. Mais alors, c'est pour ça que la ville n'a jamais été, n'en est jamais sortie, finalement. Et ce qui va faire en sorte que... Et donc, cette responsabilité, la gestion des eaux usées, va toujours reposer sur les autorités publiques, mais qui ne se sont jamais engagées comme à Nantes. On pousse dans la course du jardin. Laurence, avait une question. Pour rebondir sur cette question de la baignade, hein. Moi j'ai quand même un problème d'échelle, parce que quand on voit la taille des rivières, j'ai un hydrologue, moi, totalement là-haut, qui m'a expliqué, quand j'ai lu le livre, pour m'expliquer un peu comment ça se passait, parce que je comprenais quand même pas très très bien comment c'est, tout ça s'articulait, et vous avez vu la rivière de la Prairie qui est ici juste un tout petit trait sur cette carte, c'est 3 fois plus large que la Seine, donc on n'est pas comme la population de Montréal, on n'est pas 3 fois plus grande que la population de Paris, donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Alors juste pour revenir sur cette question de la baignade, c'est vraiment partout en France aussi, on va commencer à baigner beaucoup dans les rivières, dans les années 30, avec des baignades organisées, etc. Et la pollution, elle est avérée. On a des gens dans mon groupe qui ont travaillé, qui ont retrouver des anciennes analyses bactériologiques remontant jusque dans les années 30 et honnêtement, au niveau de contamination fécale et très élevé et certainement, enfin probablement, probablement beaucoup plus élevé qu'à Montréal. L'échelle effectivement pas des gens de seconde. Alors par contre, on n'a pas été jusqu'à travailler sur. On n'a pas tellement de discours, on n'a pas non plus beaucoup cherché, mais on n'a pas facilement, enfin pas trouvé comme ça aisément, disons, de discours sur les maladies hydriques générées par, générées par la baignade. Par le contact de la peau. Mais c'est effectivement. Ça serait bien de voir si ça existe. Oui, mais bon, disons que ça ne déborde pas dans les comptes rendus de conseils municipaux. Il faudrait faire des études épidémiologiques rétroactives sur les causes de décès, ce serait assez compliqué. Non, mais il pourrait y avoir des débats dans des conseils municipaux qui disent, mais attendez, cette baignade, on l'interdit parce que vraiment, il y a trop de malades, on oublie de garder, regardez que les... On n'a pas trouvé ça de manière évidente. Ouais, peut-être que ça existe. On a cherché le début de la boucle de la barre qui était oui. Il y avait pas mal de médias, donc on l'a parlé. Mais la barre est encore plus petite. Enfin, c'est vraiment des toutes petites médias avec des contaminations fécales qui sont avérées puisqu'il y avait des analyses. Les analyses, on n'a pas fait de modélisation rétrospective, ce qui me paraît aussi, parce qu'il y avait aussi avec certains des collègues, c'était là vraiment des mesures qui ont été faites. Et les gens étaient. Ben, les experts dénonçaient parfaitement donc en connaissance de cause, les contaminations fécales. Et peut-être, alors, après, pour le cas Marianne, peut-être que ça s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, mais je n'ai pas été voir en fait, dans les sources encore. Oui, il faudrait que j'aille. En fait, je ne dis pas que ça n'existe pas. Bon, c'est clair qu'il y a une question. On n'est pas à la même échelle, mais on peut imaginer que, comme les gens avaient tendance à se baigner le long des rives, là où il n'y avait pas trop de courant, ben, il reste que peut-être que la qualité de l'eau à ces endroits était plus critique. Mais bon, il faut voir. Et en plus, là, on parle de pollution bactériologique, mais on ne parle pas de pollution de sources industrielles. À ce moment-là, on n'y pense même pas. On va commencer à envisager ça simplement après la Deuxième Guerre mondiale et même dans les années, fin des années 50, début des années 60. Alors donc, oui, il y a du travail à faire. Et bon, merci de la remarque. Parce que c'est largement dénoncé sur Paris, enfin, sur Paris et en avant Paris. Pasteur avait considéré en 1875 que la Seine était totalement condamnée à partir de Choisy, qu'il n'y avait plus rien à faire, on ne pouvait pas prendre de tout, prendre de l'eau dans la Seine tellement elle était polluée, et ça n'a pas du tout empêché, 30 ans, 40 ans plus tard, que les gens commencent à baigner de manière récréative. Merci beaucoup, Michel. J'ai été très accroché par vos deux études de cas. La première, la seconde sur le conflit de l'usage, ça rend l'usage. À un sens classique, mais il est très intéressant parce que ça concerne les questions de drainage des eaux usées, c'est rare, mais c'est plutôt une question au contraire des conflits avec l'utilisation de l'eau de la rivière pour l'alimentation en eau de la ville. Donc là, c'est intéressant. Et le premier cas d'étude, j'avais une petite question de détail à propos des Iroquois qui vivent dans le territoire de Canaroquet. La première, c'est. Est-ce la pêche, est-ce qu'eux vivaient de la pêche? Vous avez parlé de la chasse et des fourrures. Est-ce qu'il y avait de la pêche? Est-ce qu'ils sont impactés par les changements dans la rivière, la pollution, le passage de bateaux, la canalisation, etc. Est-ce que ça change ça? C'est les détours de la pêche, par exemple, parce qu'il n'y a plus de poissons migrateurs, par exemple. Et l'autre chose, vous avez montré une carte intéressante, et j'ai l'impression qu'il y avait. Enfin, j'ai cru voir, mais je peux me tromper, j'ai cru voir un chemin de halage. Qui pas, voilà, le chemin blanc là, en petit blanc. Est-ce que ça, c'est pas un chemin de halage avant la création du canal? Non, pas du tout. Mais c'est bien que vous le mentionniez, parce que c'est au-delà du cas. De fait, pour ce qui est. En fait, je connais pas beaucoup le cas de Kanawake et l'Ars. Mais je l'ai pris parce que je trouvais qu'il y avait. Ben, c'est ça, cette articulation des espaces qui me semblait être intéressant pour vous. Et donc, il faudrait demander à son auteur les modes de subsistance, mais s'il est clair que la pêche en faisait partie, je suis certaine, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais ça n'illustre que mon ignorance du cas, c'est-à-dire que je n'ai pas mis moi-même les mains dans les archives dans ce cas-là. Alors, ce qui se produit, alors donc il y a plusieurs, donc la rive de la communauté est coupée à plusieurs reprises, D'abord, ben là, on ne le voit pas, mais pas toute cette voie ferrée établie sur le terminal ici, ben, ça va déjà modifier la rive, évidemment. Bon, le pont, les deux ponts vont aussi modifier la rive. Mais cette ligne blanche ici, là, c'est dans le fond le tracé de ce qu'on appelle la voie maritime du Saint-Laurent. C'est que après, en fait, dès la fin du 19e siècle, il y avait déjà ce canal de la Chine, mais ce qu'on voulait, dans le fond, c'est faire en sorte de pouvoir circuler jusque dans les grands lacs, vous vous rappelez, la carte, et de ne pas, dans le fond, être obligé de s'arrêter à Montréal d'aucune façon et de poursuivre sa trajectoire sans aucun encombre et sans aucun obstacle. Et donc, on rêvait de creuser une voie, un chenal suffisamment donc creux pour permettre ce passage des bateaux. On va en parler pendant 30-40 ans. C'est un chenal qui passe dans les eaux internationales et donc qui concerne aussi les États-Unis, plus en amont de Montréal. Et donc, les choses vont piétiner, encore une fois, pendant la crise, pendant la guerre. Et après la Deuxième Guerre mondiale, là, le Canada va de l'avant parce qu'on pense que c'est bon, c'est un projet d'avenir, etc., etc. Et on va de l'avant. Et là, c'est très intéressant parce que quand moi-même, j'ai fait mon livre sur Montréal et nous, je n'avais pas réalisé au début, je lisais les sources qui disaient, bon, on a décidé, on voulait améliorer la circulation, la navigation transcontinentale. On aurait pu faire ce chemin du côté de Montréal, mais on a décidé de le faire sur la rive sud. C'est plus simple pour des questions hydrographiques, des questions de développement, il y avait moins d'urbanisation, etc., etc. Ben, il y avait moins d'urbanisation, certes, mais il y avait aussi cette communauté amérindienne qu'on savait pouvoir neutraliser. Et donc, c'est Daniel Roux qui me l'a fait réaliser. Voyez-vous, même moi, j'avais cette zone un peu floue. Et donc, ce qui fait qu'on va choisir de l'aménager. Alors, ce tracé, c'est, on va littéralement couper le territoire. Et il n'est pas construit, ça, c'est construit. Oui, il est construit en 1951. Ah d'accord, donc maintenant, il y a un canal qui longe et qui passe. Et donc, si vous voulez, je vais vous montrer sur la diapo précédente. On va le voir ici. Un canal, un chemin. Un chenal, pardon, chenal. Alors, on le voit, on en voit une partie ici, regardez, vous voyez Donc ça permet d'échapper aux rapides, c'est ça? Oui, ça permet d'échapper aux rapides. Et du coup, le canal, cette fois la Chine, lui, il ne sert plus à rien. Non. Et il ne sert plus à rien. Alors, il ne sert plus à rien. Il commence à être restaurer un peu pour les activités maritimes et tout ça. Alors, cette fameuse voie maritime donc, va encore une fois empiéter sur la façade fluviale de la population. Donc, ça va être encore une fois une sorte d'attaque d'une certaine façon et va marquer très fortement la mémoire de la communauté qui se sent dépossédée de son accès au fleuve. Et c'est vrai que quand on va visiter la réserve, je suis allée dernièrement pour voir justement les aménagements, ce qu'on voit, c'est que finalement, en rive, il y a ce chenal, et on voit une autre bande de terre, et ensuite le fleuve. Donc le fleuve est devenu vraiment éloigné de la population. Et attendez, je vais juste revenir à cette diapo, puis ensuite... Vous voyez, donc c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Alors, l'idée du... Je n'ai pas trop longtemps là-dessus. Mais l'idée, vous rendez compte, c'était de permettre ici, dans le Haut-Saint-Laurent, qui avait des fonds très, très variables et qui étaient très peu larges, d'ouvrir la voie pour faire en sorte que tout le commerce transcontinental puisse se faire sans arrêter ou sans être tributaire de Montréal. Et donc, c'est un projet de la grande bourgeoisie, cette fois-ci de Toronto, qui veut, dans le fond, se libérer de l'emprise des grands marchés montréalais. Et l'ironie de tout cela, mais là, on ne la voit pas, la voie maritime, l'ironie de tout cela, c'est que le commerce, désormais, va se faire en face de Montréal, sans que les bateaux n'aient à accoster dans la ville. Et donc, ça va créer beaucoup de pollution. Voilà. Et la dernière question que j'avais après la pêche, je pensais que c'est un chemin de voyage, je pensais que c'est chenal. Une question qui doit être chère à Stéphane Castonguet, c'est où est-ce qu'elles sont les plaines inondables sur le Saint-Laurent? Et est-ce que le Kanawake, c'est pas une plaine inondable, ça? Non, c'est pas une plaine inondable? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, et je ne suis pas certaine qu'il le sache lui non plus, parce que je pense pas qu'il ait travaillé là-dessus. Dans le livre, en fait, son article, c'est sur l'agriculture, et j'aurais pu choisir aussi ce chapitre-là, mais là, c'était des éléments peut-être plus connus, en fait, mais qui sont quand même intéressants, parce que ce qu'il nous montre, c'est que plutôt que l'agriculture recule totalement, en fait, c'est que l'agriculture s'urbanise d'une certaine façon, hein. Les productions sont changées pour s'adapter aux marchés urbains de Montréal, et d'ailleurs aussi, et ce qui fait en sorte d'ailleurs que dans la région de Montréalaise, on a une présence d'agriculteurs qui est relativement importante dans la région métropolitaine cette fois-ci, mais même sur l'île de Montréal. Pour ce qui est des plaines inondables, je ne sais pas. Pour du côté de Montréal, les basses terres se trouvent en amont du port de Montréal. C'est la pointe Saint-Charles qui était régulièrement inondée et qui va être protégée par une immense digue parce qu'il y a un développement industriel qui va se faire à cet endroit-là. Mais je répondrai plus tard, dans quelques années, lorsque les recherches se poursuivront. Bien sûr, bien sûr, j'ai dit. À propos de la filière des prairies, oui. Vous disiez qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt pour la filière en tant qu'élément naturel, en fait. Mais est-ce qu'à partir du moment où le tourisme se développe un peu, est-ce qu'on n'a pas essayé de préserver certains paysages ou des villages un peu traditionnels? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, j'ai pas raconté toute l'histoire, mais je vous ai dit que dans une certaine portion, la plus urbanisée, donc c'est celle-là qui est la plus affectée par les changements. Mais encore une fois, en amont, la rivière est beaucoup moins polluée. Parce que de toute façon, l'activité industrielle sur la rivière des Prairies est peu importante. Hein, parce que c'est vraiment, vous avez vu, l'industrie se développe le long du fleuve. Alors, de telle sorte qu'il y a une pollution qui se fait par l'urbanisation, mais moins par l'activité industrielle, et en amont des quartiers-villes. Donc, c'est un secteur beaucoup plus privilégié. Et on le voit sur les cartes, les terrains sont beaucoup plus grands. Aujourd'hui encore, il y a de magnifiques maisons, qui étaient d'anciennes maisons de campagne, des élites qui s'établissaient le long de la rivière des Prairies. Et il y a un géographe français, Raoul Blanchard, qui a fait une étude assez détaillée de la région montréalaise et qui dit justement dans son livre, qui a été publié dans les années 40, qu'en réalité, on a deux types de villégiature sur la rivière des Prairies. Celle qui est en amont des gens plus nantis, pas nécessairement de la très grande bourgeoisie, mais des gens déjà plus fortunés, qui sont établis le long de la rive de la rivière des Prairies, dans un endroit enchanteur, beaucoup moins pollué, et qui se trouve aussi en amont, finalement, des rejets d'égouts qui viennent du centre de Montréal. Vous avez vu hein, comment l'urbanisation se fait vis-à-vis cette tranche-là. Donc, ce qui est avant, finalement, est beaucoup moins pollué à cette époque-là. Alors, il dit qu'il y a vraiment deux classes de villégiateurs. On a les plus fortunés, les mieux nantis qui sont en amont de ce secteur, puis les classes populaires qui se retrouvent dans la partie où la rivière d'abord est la plus, où les berges ont été les plus travaillées, où il y a moins de verdure, il y a moins d'arbres, il y a une plus grande concentration de population et il y a beaucoup plus de pollution. Mais c'est le seul témoignage, disons, que j'ai parce que je n'ai pas eu le temps de creuser. Alors, pour ce qui est maintenant des attraits touristiques, je dirais, la rivière des Prairies, c'est la rivière qu'on appelle en anglais la Back River. On a toujours appelé cette rivière la Back River. C'est la rivière à l'arrière de la ville. Donc, pas tellement d'intérêt pour le tourisme. Le tourisme s'est toujours fait à l'avant de la ville, autour du Saint-Laurent, autour de la vieille ville et ces choses-là. Mais il reste qu'il y a eu un effort de restauration et de réhabilitation qui a été entrepris à partir des années 80, à partir du moment où toutes les eaux d'égout ont pu être interceptées et traitées sur la pointe. Ben déjà, il y a eu un assainissement de l'eau à cet endroit. Il y a eu un assainissement aussi davantage en amont parce qu'on a traité les eaux qu'on rejetait. Donc, la région, de façon générale, est beaucoup plus... L'eau est en bien meilleur état qu'elle était, de telle sorte que la pêche a reprise. Mais c'est plus, je dirais, une exploitation pour les Montréalais et les habitants de la région montréalaise. Et ce qui est très intéressant de voir, et c'est devenu un lieu de pêche très très très populaire, en particulier au printemps, lorsque l'on pêche, on a pour ça qu'on appelle la Lauze. Alors j'ai découvert ça, moi, la Montréalaise, qui est beaucoup plus du côté de l'avant que de l'arrière. Au mois de mai, il y a des centaines de gens qui pêchent autour du barrage. Alors donc, ils pêchent autour du barrage parce que du coup, ils pêchent dans la rivière, qui est peu profonde à cause du barrage. Et donc, on en voit vraiment beaucoup, beaucoup de par dizaines de ces pêcheurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que le barrage est devenu un élément du paysage qui est valorisé et qui est visité maintenant. C'est un site de visite pour les écoles, mais aussi pour les touristes, parce que c'est quand même une certaine particularité, un barrage hydroélectrique en milieu urbain. Alors, on a restauré et établi des parcs et donc revalorisé tout cet endroit, mais plus, je dirais, pour les populations locales. Ce qui fait que c'est un lieu de villégiature urbaine très, très agréable. Alors donc, par ailleurs, il faut savoir que les anciens noyaux villageois qui sont avant Montréal ont aussi subi des cures, tu sais, pas de rajeunissement, mais en fait, on a soigné un peu plus les vieilles maisons, on les a restaurées, donc il y a un caractère très champêtre à la région. Parce que j'ai beaucoup aimé la photo que vous avez montrée avec le barrage, on voit vraiment la différence entre les ravines d'un côté et l'eau. Et est-ce que justement, quand le barrage a été construit, il n'y a pas eu des réactions dans un sens ou dans un autre, disant « Ah, mais quand même, c'était mieux avant, avec les rapides, avec un aspect esthétique, le sauvage, etc. Oui. » Ou au contraire, en disant « Oui, non, mais c'est mieux maintenant. » Est-ce qu'il y a eu des réactions Oui, il y en a eu quelques-unes. Bon, je n'ai pas, comme j'ai fait ce temps de survol, Montréal-Hélo, j'ai pas réussi. En fait, j'ai déféré des trucs qu'il faudrait que soient mieux approfondis, je dirais. Mais j'ai trouvé quelques écrits qui parlent de la rivière qui est coupée en deux, de la mort aussi des rapides, de la disparition des rapides. Alors, saut ou récollet, hein? Saut, ça veut dire rapide. Et là, on écrit, oh, ben, un saut ou récollet, il faudra changer le nom puisqu'il n'y a plus de rapide. Et donc, tout le caractère des lieux a été vraiment anéanti, quoi, et disparu. Alors oui, on voit ces critiques de certains auteurs, mais à l'époque, j'en ai peu trouvé. Ce que j'ai trouvé, par contre, c'est plus tard, dans les années 50, les années 60, une sorte de nostalgie pour la rivière disparue et ce désir de la restaurer. Et autour d'un débat très particulier, c'était de restaurer la navigation sur la rivière des Prairies. Parce qu'on croit que c'était une rivière navigable, alors que ça n'en était pas une. C'était une rivière où se faisait le transport du bois, de draves, sur des radeaux, pas à cause des rapides. Et c'est une rivière qui est peu profonde, qui a un maximum de profondeur de quelques mètres, mais par endroits, les roches sont très affleurantes. Alors, il n'y a jamais eu de vraie navigation sur cette rivière. Mais tout à coup, on s'est pris à vouloir rester dans une période où on a commencé à dénoncer la pollution, dans les années 60-70, j'en ai parlé longuement l'autre jour. Et sur la rivière des Prairies, il y a eu ce discours de nostalgie, à l'effet que le barrage donc, avait coupé la rivière en deux et que dans le projet de barrage, je suis désolée si mon déco, je fais toujours des très très longues réponses parce que ça m'amène à reprendre surface des éléments que j'ai trouvés dans les archives. Alors, dans le contrat d'aménagement du barrage, il y avait deux clauses qui étaient prévues. Une, de permettre un passage pour les poissons et deux, de permettre un passage pour les embarcations aussi. On précisait pas, mais ça pouvait être les bateaux, les petites barques et ces choses-là. Alors, le passage pour les bateaux, ça n'a jamais été fait. Mais la passe pour les poissons, oui. Alors donc, on va critiquer ce barrage dans les années 60-70 en disant que ça empêche la navigation qui avait lieu sur la rivière des Prairies, qui était une rivière magnifique et tout ça, en omettant évidemment tout cet épisode. Et là, on voit que ce mouvement va se tarir dans les années 80-90, où on va valoriser le barrage, et, comme je l'ai dit. Alors, il y a comme ça une mémoire qui se construit, et pas nécessairement autour des mêmes éléments, il faudrait la peine de creuser davantage. Alors, j'ai trouvé quelques écrits et même des romans où on évoque ce passé avec ces rapides, et surtout qu'il y avait aussi, à cause des rapides, il y avait des traversiers, traversaient la rivière pour permettre le passage des gens, des marchandises, des choses comme ça, et qui avaient donné lieu à des anciens noyaux villageois qui sont disparus à un moment donné parce qu'il y a eu des ponts tout simplement qui ont été construits. C'est plus simple de traverser des ponts que de prendre ces traversiers qui étaient bloqués l'hiver et tout ça. Donc il y a toute une nostalgie, oui. Il faudrait creuser encore plus, quoi. Mais ça serait. Et sur l'idée même de construire un barrage hydroélectrique en pleine ville, parce qu'effectivement, oui. C'est vrai que c'est exceptionnel. Oui, oui. Il n'y a pas eu de commentaires disant qu'on aurait pu faire plus en amont ou plus en aval. C'est-à-dire que oui, il y a eu des discussions, mais de la part des ingénieurs seulement. Des ingénieurs, des entreprises, parce qu'il y a eu plusieurs entreprises qui étaient en compétition les unes vis-à-vis des autres, et on avait pensé construire le barrage plus en amont, etc. Mais là, on s'est rendu compte qu'au Sault et Recollet, c'est là que le courant était le plus fort, et donc c'était l'endroit le plus propice pour construire ce fameux barrage. Mais j'ai pas trouvé dans les journaux, sinon, d'opposition globale, disons. Mais vous avez vu quand même que c'est un endroit qui est peu urbanisé. Alors, la photo, ce n'était pas très urbain. Non, justement. Donc, sur la carte que vous avez montrée de l'extension du bâti urbain, c'est pas enfin, de la ville. Non, c'est pas encore si développé. En fait, j'ai des chiffres dans mon livre sur la population, mais je les ai oubliés, désolée. Et donc, c'est vrai qu'on parle de quelques dizaines de milliers de personnes, et sur la photo de tout. Alors donc, on voit que, oui, ce qui n'est pas bâti, en réalité, ça reste très agricole. Montréal reste très, très agricole jusqu'en 45, de telle sorte que quand l'urbanisation reprend après la Deuxième Guerre mondiale, on va finalement occuper beaucoup l'île avant de déborder au-delà. On va urbaniser beaucoup, beaucoup les espaces qui sont demeurés en friche ou surtout les espaces cultivés. Et les terres qui sont abandonnées, parce que dans le fond, soit l'agriculture est abandonnée parce qu'il y a plein d'emplois dans les industries d'après-guerre, le boom qui reprend, mais aussi parce qu'on va les acheter à fort prix, donc pour faire la construction résidentielle. Alors, du coup, oui, l'île s'urbanise beaucoup plus. Après la Deuxième Guerre mondiale, il reste peu urbanisé dans plein d'endroits jusqu'en 1945. C'est vrai. Mais j'ai pas vu à part les autorités municipales qui se préoccupaient de leur système de drainage, et à part certains écrivains, petits écrivains pas très connus, qui se sont plaints, j'ai pas lu vraiment d'objection très forte. En fait, ce qu'on voulait, c'est tirer pas au profit, sinon, de la présence de cette entreprise pour lui soustirer des taxes. Puisqu'il fallait qu'elles s'établissent sur les rives. Donc, on disait, il faut qu'elles paient les taxes, et donc ça va être profitable au trésor public des petites municipalités. C'est ce que j'ai trouvé plus souvent qu'autrement. Alors, tout ça nous amène à la question de départ. Alors, ce que je pourrais faire, c'est faire vous relancer la question comme un bon professeur. Quand un étudiant vous pose une question à un classe, souvent, on dit, et vous? Comment répondriez-vous à cette question pour amorcer le débat ou une certaine discussion? Alors, est-ce qu'on parle d'histoire environnementale ou d'histoire de l'environnement? Je pense qu'on peut parler peut-être des deux. Mais moi-même, j'avoue que je pense que je dis de plus en plus histoire environnementale, plutôt que histoire de l'environnement. Et je crois que je sais pourquoi. En fait, c'est parce que si on dit histoire de l'environnement, c'est qu'on contribue à plonger dans les histoires. L'idée que l'environnement, c'est quelque chose de dur, solide, et que ça existe en dehors de nous. Hein? Donc l'environnement, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la nature, c'est la verdure, et donc c'est quelque chose qui est à l'extérieur de la société. Alors, je pense que de moins en moins j'utilise le terme. Ici, je l'ai utilisé parce que c'est pour l'esthétique du titre, histoire urbaine, histoire environnementale, mais c'est pour ça, faire ressortir, je crois, le mot. Oui, j'aurais pu dire « et histoire environnementale ». Alors, histoire environnementale, pour moi, c'est une approche, une façon de construire son objet. Et donc, je pense que ça correspond plus à ce que je fais que de l'histoire de l'environnement. Est-ce que j'ai réussi? Je teste. Il n'y a pas de bonne réponse. Pardon? Il n'y a pas de bonne réponse. Non, il n'y a pas de bonne réponse. Mais je suis heureuse de t'entendre dire ça. C'est-à-dire que des réponses dont on peut penser qu'elles ont des degrés de pertinence plus ou moins grands. Non, je suis heureuse de t'entendre dire ça parce que je pense que l'appellation histoire de l'environnement contribue à cette idée qu'il existe un environnement extérieure à nous et peut contribuer à accroître le caractère, comment dire, strictement naturaliste ou on pourrait peut-être trouver d'autres adjectifs, mais qui ne soient pas l'histoire d'une relation. Et donc, de ce point de vue, moi je préfère l'appellation histoire environnementale. Seulement, pour le coup, ça devient tellement vaste que ça recouvre tout et n'importe quoi, et qu'à ce moment-là, on peut se faire accuser, comme je disais tout à l'heure, de mener une entreprise impérialiste vis-à-vis de... Moi, j'aurais seulement envie de dire aux gens, mais faites l'histoire que vous faisiez avant, mais faites-la en prenant en compte ces paramètres environnementaux qu'on a ignorés pendant des années. C'est ça, c'est essentiel. Après, puis là, vous voulez... Laurence, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais moi, je revendique de faire les deux. Je pense que c'est deux disciplines qui sont l'une à côté de l'autre. Les deux? De faire de l'histoire environnementale et de l'histoire de l'environnement. Ah bon? L'histoire environnementale étant effectivement cette histoire de la relation, la dimension relation avec l'histoire de l'entente. Mais tu peux aussi faire l'histoire de la rivière, de l'histoire naturelle. Oui, mais on est de ne pas une constitution de son état passé. Oui. C'est comme Emmanuel Leroy Ladurie, donc comme l'histoire du vent, donc l'histoire sans homme. Oui. Plutôt ça. Oui. Qui a, oui, enfin, l'histoire sans homme, sachant que l'évolution de l'état, de l'état environnemental d'une rivière dépend effectivement de la pression anthropique. Oui. Donc l'homme n'est pas totalement absent. Ah non, il est pas absent, mais je veux... Ah non, non, mais il est là, bien évidemment. Ça dépend de ce qu'on rencontre. Ah oui, voilà, d'accord. Mais alors, oui, je vais jouer. Les compétences, l'homme est déjà là. Parce que c'est pas fou, les périodes de l'intérieur, on s'intéresse à ça. Mais je comprends l'idée de l'histoire, oui, effectivement, l'histoire de l'environnement, c'est-à-dire, oui, de faire de l'environnement l'objet, quoi. Voilà. Donc, de le voir comme construit, et de l'historiciser et tout ça, mais d'en faire finalement l'objet. Et à ce moment-là, c'est aussi un parti pris peut-être pour certaines approches, par rapport au milieu. Mm-hmm. Oui, c'est... L'histoire du vivant, c'est pas l'histoire. C'est la société... Non, mais... L'astrologie, de la physique, de je ne sais quoi, ça il me semble que c'est autre chose. Je prends volontairement de oui, quelque chose qui est hors de notre champ. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai entendu récemment sur un podcast d'un séminaire d'histoire environnementale quelqu'un qui parlait d'un animal, mais le niveau qu'elle s'était, ça m'a tellement rasé que et pas une fois il était question des interactions ni avec les hommes, ni avec l'habitat des hommes, ni avec la société, ni avec quoi que ce soit. Mais je me suis dit, mais ça c'est l'histoire naturelle, comme on l'a fait depuis du fond. C'est pas ce que je fais non plus. Hein? C'est pas ce que je fais non plus. Ah non, mais je pensais pas du tout à toi. Et je me disais, non, ça n'a rien à voir dans un. Ça n'a rien à faire dans un séminaire d'histoire. Bon, pour le coup d'environnement ou environnemental, c'est une erreur de casting. Je ne sais plus quel oiseau c'était, ou quelque chose comme ça. Peu importe. Le dodo. Le dodo. Le dodo, d'ailleurs, il y a quelque chose à dire, justement, c'est ça, pour les soins de club, on ça. Oui, bien sûr. Oui, mais alors, là, en fait, là, on lance peut-être un autre débat, mais je veux dire, en Amérique du Nord, en disant aux États-Unis en particulier, mais même au Canada, on peut faire l'histoire de l'environnement où il n'y a pas nécessairement d'humain, a priori ou très proche. Je pense que c'est une tendance à vouloir aussi étudier, revenir à l'étude du milieu aussi beaucoup plus. Et donc, comme par exemple cette histoire de la rivière des Prairies, pour la compléter, elle devrait être complétée par l'histoire de l'eau. Comme telle, dans sa composition, dans son écologie, en tenant compte des poissons, des végétations. En fait, c'est pour faire une histoire vraiment environnementale complète, ces éléments-là devraient être là. Alors, du coup, on comprend bien la perturbation ou les transformations, je préfère ce mot, du milieu, consécutives à l'installation de ces infrastructures. Mais l'eau elle-même doit faire partie de l'histoire. Et ça, c'est une dimension que moi-même, je n'ai pas abordée, malheureusement, et qui devrait être complétée. Parce que si on fait vraiment une histoire environnementale, il me semble qu'on doit aussi tenir compte de cette histoire de l'eau en elle-même, c'est-à-dire dans sa relation avec les transformations que cette eau subit, mais elle devrait faire partie de cette histoire également. D'où l'importance justement du travail en équipe multidisciplinaire pour arriver à saisir ces dimensions. Alors je pense qu'il y a cette tendance beaucoup de dire il faut aussi retourner à... En fait, c'est une dimension qui s'ajoute, quoi. Donc l'histoire environnementale, dans ce sens-là, c'est l'histoire de toutes ces dimensions. C'est une dimension à mon sens. Merci d'avoir tenté de répondre à la question. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter, te laisser tranquille. On te remercie encore pour la présentation de ces deux cas. Oui, ça m'a fait bien plaisir de le faire. En fait, c'est ça, il y avait 10 façons différentes de présenter Montréal et ses environnements, ça. Mais j'ai pensé que... Merci à vous aussi, je pense, pour vos questions. Merci encore.